Vaya mamón. On va pas se laisser faire par les rockers. J'adore. Non, on va pas se laisser faire par les rockers. Moi, ce que j'aime, c'est le rap. Donne-moi ta main, camarade.